Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Jean-Marie, je suis content d'être avec vous. Bonjour Bruno. Bonjour à tous, bienvenue à Afrique Plus. Voilà, il est 7h03 à notre montre. Aujourd'hui c'est samedi le 23 août 2008. Nous sommes contents d'être là, nous sommes avec monsieur Ntet. Monsieur Ntet, est-ce que vous dites bonjour à la communauté africaine? Oui, bonjour communauté. Alors, le tour de l'Afrique ce matin à Ottawa, 60 minutes. Nous allons faire un tour en France. Nous commencerons par là avec monsieur Franck Zaragba. Il est centrafricain d'origine et qui va nous parler du projet de loi de la division nationale en République centrafricaine. On repartira au Cameroun en direct avec monsieur Mohamedou Oumfa qui va nous parler de la péninsule de Bakassi. C'est le 14 août 2008, il y a eu rétrocession de cette partie d'Afrique, cette petite partie du terrain au Cameroun. Alors on fera le point avec monsieur Mohamedou Oumfa, c'est tout un challenge, c'est tout un pari. On va le gagner ensemble avec vous et puis on reviendra ici à Ottawa avec monsieur Kabwint Ntet, un vétéran avec tous les honneurs que ça comporte, avec l'article qu'il a écrit, « Voix d'immigrants et réfugiés, accueil ou intégration, le dilemme de l'établissement des nouveaux immigrants ». À 7h04, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission. Nous sommes contents d'être avec vous et on vous rappelle que le numéro de téléphone, c'est le 613-562-5967. On vous rappelle que le email, notre adresse courriel, c'est info au singulier à commercial@africeplus.net. Voilà comment l'émission commence ce matin. Si vous êtes prêts, nous sommes prêts. Voilà, avec le hockey de Bruno. C'est 5 minutes en Afrique, Bruno. Top chrono. Ce sommet pourrait constituer le point de départ d'une coopération efficace et fructueuse entre les parties. Ce sont sur ces paroles que se sont profilés le sommet Afrique-Turquie, point culminant de la stratégie turque sur le continent, c'était cette semaine. Encore une promesse de caméléon pour l'Afrique ou enfin un espoir de coopération équitable aux dirigeants africains de le démontrer. Un attentat suicide à la voiture piégée en Algérie, qui a visé une école de la gendarmerie algérienne et en fait 43 morts, 45 blessés. Ça, c'était au début de la semaine. Plus tard dans la semaine, il y a eu un autre attentat qui a frappé l'Algérie. Le bilan est toujours provisoire, mais on sait qu'il y a plusieurs dizaines de morts. Et on en a parlé un peu au Canada parce que ce sont les employés d'une compagnie canadienne qui ont été les victimes principales. Niger, la cour d'appel de Niamey a rejeté encore une fois la mise en liberté provisoire du correspondant de RFI, le journaliste Moussa Kaka. Malgré différents non-lieux, le parquet insiste pour maintenir Kaka au trou. C'est pas un jeu de mots. Ce dernier est détenu depuis septembre 2007 en raison de ses contacts avec la rébellion Touareg notamment. L'organisation Reporters sans frontières s'est dite consternée par l'obstination des autorités nigériennes à maintenir le journaliste Moussa Kaka en prison, malgré les décisions de justice en faveur de la clôture du dossier et leur demande de cesser cette guerre absurde contre un homme seul. Niamey toujours, il semblerait que les rebelles Touareg du Sahara ont accepté de déposer les armes, mettant ainsi un terme à leur insurrection contre le Niger et le Mali. L'annonce a été faite plus tôt cette semaine par la télévision d'État nigérienne. Les Touareg ont également accepté de relâcher une soixantaine d'otages au Niger et au Mali. Les Touareg reprochent au gouvernement malien et nigérien de négliger leur peuple. Cette minorité ethnique nomade qui vit dans plusieurs pays de l'Ouest africain a donc pris les armes pour revendiquer. Au Niger, l'opposition récente se base sur la redistribution des revenus de l'uranium. Les rebelles accusant les autorités de vouloir les exclure de leurs terres pour mieux exploiter ou la piller, avec la collaboration bien sûr d'industries occidentales. Le Caire, un feu d'ampleur a éclaté dans le parlement égyptien, 5 personnes ont été intoxiquées par les fumées, le feu a ravagé un palace du 19e siècle notamment, un court-circuit électrique pourrait être à l'origine du feu. Zambie, cette fois c'est officiel, le président zambien Levi Mwanawasa est mort à l'âge de 59 ans en France. Donc c'est un communiqué de la présidente française du 19 août qui a donné la nouvelle. Le petit Nicolas y exprime sa vive émotion. Lévi Mwanawasa était hospitalisé à l'hôpital militaire Percy depuis le 29 juin après une attaque cérébrale à Sharm el-Sheikh en Égypte. Soudan, Khartoum, comme toujours, le sinistre Omar Hassan al-Bashir, depuis la Turquie cette fois-ci, a réaffirmé son innocence face aux accusations de la CPI pour les exactions commises au Darfour. Si la Turquie était signataire et membre de la Cour pénale, serait et aurait dû y avoir des soucis pour Béchir, puisque justement, il était là-bas, il aurait pu être inculpé et donc mis en état d'arrestation, mais il se trouve que la Turquie n'est pas membre de la CPI. Malgré les pressions de l'Union européenne, donc la Turquie refuse toujours de rejoindre la CPI. Afrique, Istanbul toujours. La Turquie souhaite emboîter les pas de la Chine, de l'Inde et du Brésil sur le continent, puisque chacun a flairé l'opportunité d'un accès aux richesses du continent. D'ailleurs, la Turquie devrait multiplier ses représentations sur le continent à fin 2009. Les ambassades passeraient donc de 12 actuellement à 27. Signe fort de cette volonté, le sommet Afrique-Turquie, premier du genre, a débuté ce mardi à Istanbul. Une cinquantaine de délégations sont présentes pour les deux jours du sommet. Les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique ont atteint 13 milliards de dollars en 2007. Entre 2003 et 2007, les échanges ont été multipliés par deux. L'objectif est fixé à 30 milliards pour 2010. La Turquie entend aussi obtenir le soutien des États africains pour obtenir un siège, ne vous inquiétez pas, provisoire, au Conseil de sécurité lors du vote qui aura lieu en octobre prochain à New York. Nouakchott, Mauritanie, le Haut Conseil d'État a nommé un nouveau Premier ministre, Moulay Ould Mohamed Larghaf, jusqu'ici ambassadeur à Bruxelles. Ce dernier est un membre du cercle restreint du chef de la junte, ayant destitué le président élu, à savoir le général Mohamed Ould Abdelaziz. Donc celui-ci semble prendre goût au pouvoir. D'ailleurs, un peu plus tard cette semaine, l'ancien Premier ministre a été arrêté à Ouagadougou. Guinée-Conakry, l'amiral Zaoro Patrice Sylla a présenté le mea culpa de l'armée cette semaine à ses concitoyens, notamment pour les 200 civils morts tués lors des mutineries de janvier-février 2007, rappelez-vous. Il a également fait allusion aux événements plus récents, donc mai 2008. Cette allocution s'inscrivait dans le cadre du dialogue initié par le Conseil économique et social pour promouvoir un dialogue mis à mal par notamment la malgouvernance, la corruption et l'impunité chronique. Rappelons que d'aucuns définissent la Guinée comme un scandale géologique, vu l'ampleur des richesses du sous-sol guinéen. Harare, Zimbabwe, l'inflation poursuit sa triste besogne, entretenue par les sanctions occidentales. Le pays a connu en juin une inflation record de 11,2 %. Et la réalité serait encore pire que le chiffre officiel, c'est-à-dire environ 20 millions. Le marché noir galope, les magasins sont vides, la planche à billets tourne de plus en plus vite et les billets ne valent même plus le prix du papier. Les négociations entre sourds, sous l'égide de l'Afrique du Sud et de la SADC, se poursuivent mal en bon an. Maseru les autos, Jean-Marie. L'État a commencé à distribuer gratuitement des semences agricoles fournies par la FAO. Donc la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc plus de 1000 agriculteurs vont bénéficier de cette action qui tend à intensifier la production agricole de ce petit pays coincé à l'intérieur du géant sud-africain. Côte d'Ivoire, l'affaire du Probo Koala. Deux ans après le dégazage illégal de ce navire néerlandais, nombreux sont les habitants qui continuent de se plaindre de troubles graves de la santé. Où sont passés les millions promis au gouvernement pour prévenir une poursuite judiciaire? Où en est l'action du gouvernement? Mystère et boule de gomme. Guinée-Bissau, début d'épidémie de choléra, les autorités sanitaires s'alarment de la situation. 51 personnes sont décédées depuis le mois de mai. Bamako, au Mali. Le directeur général des douanes, le colonel Amadou Togola, et le directeur sous-régional de British American Tobacco, Alastair Jamison, ont signé un protocole d'accord à Bamako. Cet accord stipule que la firme de cigarettes va renforcer les capacités opérationnelles des agents de la douane. En clair, BAT, un des gros contributeurs de l'État malien par les taxes versées, 8,5 milliards de francs CFA en 2007, ça fait un sacré pactole, aura encore plus de poids pour continuer à empoisonner les jeunes maliens et ruiner l'avenir de générations de maliens et d'africains. À l'heure où l'Occident accroît la lutte contre le tabac à cause notamment de son impact négatif, ses vendeurs de morts prolifèrent et se renforcent en Afrique. La manne dégagée en taxes ne représente rien face au coût des maladies causées par le tabac. Retour au Sénégal, le Comité de protection et de défense des journalistes, le CPDJ, a mis en cause l'État sénégalais dans le saccage à Dakar des locaux de deux journaux privés cette semaine. L'agression dont les deux journaux ont été victimes vient s'ajouter à une série d'attaques contre la presse privée initiée depuis le 21 juin, date où deux journalistes furent passés à tabac par des éléments de la police. Kinshasa, République démocratique du Congo, un réseau de trafiquants d'organes humains prélevés sur des femmes a été démantelé dans la ville minière de Kipuchi, non loin de Lubumbashi, au Katanga. Ce sont les services spéciaux de la police criminelle qui ont interpellé trois déserteurs, notamment des forces armées de la RDC, les FARDC. Ces criminels en uniforme travaillaient pour un adepte de l'église apostolique. Les auteurs tuaient les jeunes femmes pour ensuite prélever les organes génitaux utilisés par le commanditaire pour des cérémonies fétichistes. Un sacré mélange des genres. Cotonou, Bénin. Pour le moment, 257 cas de choléra ont été répertoriés dans le sud du Bénin. Le premier cas a été enregistré le 24 juillet. Depuis cette date, un seul mort a été signalé officiellement. Les malades sont convoyés dans deux camps qui ont été aménagés et pris en charge gratuitement, selon les autorités sanitaires du pays. Par ailleurs, une campagne est actuellement en cours dans les zones à risque afin de sensibiliser les populations quant aux mesures d'hygiène à observer et les dispositions à prendre face aux premiers signes de la maladie. Éthiopie, Darfour, 316 soldats éthiopiens sont arrivés cette semaine pour renforcer la force conjointe UA-ONU. Déployés dans cette zone où sévissent les séides de Béchir. Déjà la semaine dernière, 126 Égyptiens étaient arrivés pour participer à des opérations d'électrification dans la partie ouest du Darfour. 10 000 soldats sont actuellement déployés, dont 3 000 du Nigeria. Et Béchir, cette semaine, a menacé de guerre civile si les poursuites contre lui s'avéraient effectives et continuaient d'avancer. Encore enfin, lui, si tu permets, Béchir qui était en visite, le président soudanais, il était en visite à Istanbul. Hein, oui. Je l'ai dit au début. Voilà. Donc, on va finir peut-être avec une belle note avant peut-être de revenir un peu plus tard avec quelques dernières minutes en Afrique. Donc, très belle qualification des Super Eagles pour la finale du football. C'est aux Jeux Olympiques. Les Nigérians n'ont fait qu'une bouchée des piètres belges. On peut dire piètre puisque le score est sans appel, 4 à 1. Encore une finale pour l'or entre l'Argentine et le Nigeria. Jean-Marie. La Cité collégiale d'Ottawa répond à vos besoins pour accéder au marché du travail. C'est le seul collège de langue française de la région d'Ottawa et il offre plus de 80 programmes d'études. La majorité de ces programmes donnent la chance de faire des stages en milieu de travail. Vous venez de terminer vos études secondaires, vous voulez changer votre carrière ou vous êtes immigrante nouvellement arrivée? Faites votre demande d'admission dès septembre et courez la chance de gagner une bourse d'études de 1 000 $. Pour plus d'informations, composez le 613-742-2483, poste 2420. L'homme s'appelle Bokassa Premier, a fait de Nanganawa. Excusez-moi, c'est la tout. Ok, on peut commencer. Amina, la Sissi Salim, Karim la Sissi, Didier Bleu. Voilà, il est 7h16 à notre monde. Voilà, vous écoutez Afrique Plus, nous sommes avec Monsieur Franck Zaragba. Monsieur Zaragba, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Zaragba, est-ce que vous êtes avec nous? Bon après-midi, vous êtes à... nous sommes à Paris là. Monsieur Zaragba, est-ce que vous êtes avec nous? Franck? Oui, je vous écoute. Voilà, donc je vous demande d'arrêter le... Allô? Parce que j'ai un retour. J'ai un retour, alors je vous demande de baisser ce que vous écoutez, de baisser votre ordinateur. Oui, je vous écoute, par enfin. Au téléphone. Ouais, non, non, le téléphone. Allô? Le téléphone, ça marche. Alors, comment vous êtes en direct avec nous depuis Paris, et on a entrevu avec vous par rapport au projet de loi sur la division nationale en République centrafricaine. On vous souhaite déjà une bonne après-midi à Paris. Est-ce que vous m'écoutez, M. Zaragba? Je vous écoute pas au téléphone. Mais vous devez m'écouter au téléphone parce que nous sommes au téléphone, moi. Il ne faut pas m'écouter sur votre ordinateur. Ça ne sert à rien. Il faut m'écouter au téléphone. C'est ce qui est important. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? du tout. Le retour au téléphone, pas du tout. Mais moi, je vous ai très, moi, vous je vous m'écoutez, très bien. Vous, de votre côté? Moi, je vous écoute très bien. Oui, je vous écoute en ce moment, oui. Ok, parfait. Donc, je vous demande une chose. Rendez-moi un service. Arrêtez votre ordinateur. Il faut baisser le volume. Ça ne sert à rien de vous écouter. Est-ce que vous l'avez fait? Parce que j'ai le retour sur mon casque. C'est fait. Parfait. Alors, maintenant. Alors, allô? Oui, ça marche maintenant. C'est bien. Alors, le 13 août 1960... Par contre, je ne vous entends plus au téléphone. Le retour ne revient pas. J'ai arrêté mon ordinateur. Alors moi, je vous entends parfaitement bien. Je ne sais pas si je ne peux pas vous aider. Je pense que ça devient... Je vous entends pas du tout, M. Vianney. J'ai arrêté mon ordinateur. Alors peut-être vous pouvez le mettre, vous pouvez remettre votre ordinateur et puis faire ce que votre sortie du téléphone ne... Allô? Oui, je vous entends très bien. Moi, je vous entends. Est-ce que vous êtes là? Alors, on va l'arranger, je pense. On arrange ça et on revient tout de suite. On revient tout de suite, mesdames et messieurs, avec... Allô? Oui, on vous attend. Allô? Partons au monde vrai avec Jack Porte. Je suis Serge Benon, l'arrangeur trois fois pointé. Ça se touche la doux. Ça me fatigue trop. Je n'ai rien, c'est pas où, c'est pas où. Depuis manager, président des manèles, la fortune. Oh, oh, yeah. Freddy et la famille en coup. DJ Benji. Vous voulez obtenir votre permis de conduire? L'école de conduite Jocelyn, située au 487 rue Rideau, vous offre une multitude de services pour vous préparer à affronter les rues d'Ottawa. Jocelyn offre 25 heures de cours en classe, 10 heures derrière le volant et beaucoup plus, tous à un prix imbattable. Pour plus d'informations sur les classes, appelez le 613-789-7878. Jocelyn Elinor est maintenant un agent CAM Transfer. Si vous voulez envoyer de l'argent à Haïti, appelez Jocelyn au 789-78-78. Voilà, il est 7h20 ici à Ottawa, 13h20 à Paris, en France. Monsieur Zaragba, rebonjour, vous êtes avec nous. Monsieur Zaragba, est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Zaragba, moi je vous dis bonjour à Ottawa. Alors, on a essayé et voilà, on va passer quelque chose. Devant les hommes, que vous allez bien gérer. Je m'adresse aux assermentés, docteurs, magistrats, collecteurs d'impôts, douaniers, élus du peuple, écoutez. C'est vous qui avez prêté serment devant tuer les hommes, que le pays va changer. Mimoumi tomba, bonda et tomba, on va que rien n'a changé, oh yeah. Mimoumi tomba, bonda et tomba. Alors on essaye à nouveau, monsieur Zaragba, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Zaragba? Monsieur Zaragba, moi je vous entends, moi j'ai le retour à mon casque en fait. Est-ce que vous nous entendez? C'est vous qui avez prêté serment. Qu'il y aura du boulot pour tout le monde. C'est vous, Mama Oumbaï. C'est vous qui avez prêté serment. Tamigo, Mandani Boléo. Rien ne change, nos pays ne fait que s'enfoncer. Rosabuna, Abuna Makea, Apo. Lambola mayaka mama oh eh. Lambola mayaka mama oh bah eh. La riche ne forme que s'enrichit. La pauvre ne forme que s'appauvrit. La plus faible mais du paludisme. Où est donc l'avenir de ce pays? La riche ne forme que s'enrichit. La pauvre ne forme que s'appauvrit. La plus faible mais du choléra. Où est donc l'avenir de l'Africain? Alors, on réessaye ça. Alors, monsieur Serakba, est-ce que vous êtes avec nous là? Oui, là, je vous reçois, 5 sur 5. Ok, parfait. Donc, allez, le 13 août 1960, 13 août 2008, 48 ans d'indépendance de votre pays, la République centrafricaine. Quel bilan faites-vous? Dites-nous voir. Bonjour, monsieur Vianney. D'abord, permettez de vous que je vous remercie une fois de plus de m'avoir donné l'occasion de passer dans votre excellente émission. Ça me fait plaisir. 48 ans d'indépendance, en effet, c'est une vaste question que je ne pourrais développer ici. Mais avant de tirer un bilan quelconque de ces 48 années d'indépendance, permettez-moi que je revienne sur le mot indépendance, qui est à mon sens une usurpation de mots, car nous n'avons jamais obtenu une indépendance dans le vrai sens du terme. C'est donc une indépendance biaisée, que l'on peut qualifier de purement et simplement formel. Convenez, monsieur Vianney, que pour être indépendant, faut-il encore disposer d'une certaine souveraineté, du moins d'une certaine autonomie en matière de choix économiques et politiques. Or, notre pays, la République centrafricaine, fonctionne encore avec des accords et des conventions surannées dont l'immuabilité des termes depuis 1960 pose aujourd'hui des problèmes. Par exemple, l'immixtion outrageuse de l'ex-pays colonisatrice ou les dictats des institutions internationales comme la Banque mondiale ou la FMI, avec le fameux plan d'ajustement que vous savez, structurel des années 80, sont des éléments qu'il ne faudrait pas perdre de vue pour établir ce bilan combien sombre et désastreux. Ce qui n'exclut pas non plus la non moins grande responsabilité de la génération de ceux qui nous ont gouvernés et qui nous gouvernent aujourd'hui. Monsieur Vianney, je ne vous apprends rien si je vous dis que le bilan de ces 48 années d'indépendance est terne et pas du tout satisfaisant. Dites-nous. Tous les signaux sont au rouge, malgré de réelles potentialités, aussi bien humaines, végétales que minérales. On a envie de crier fort. Quel gâchis. Vraiment. Que de gâchis. Alors, dites-nous, vous avez donné... Monsieur Vianney, l'on peut parler sans se tromper d'un pays en faillite, dans tous les sens du terme. Faillite économique, faillite en matière de système de santé, d'éducation, de politisation de l'armée, démission des intellectuels. Alors, en fait, la République centrafricaine est aujourd'hui un pays qui n'existe que de nom. Dites-nous, vous aviez donné comme nom à votre blog, Finicodé. Finicodé, oui. Que signifie ce terme? Dites-nous. En fait, oui, monsieur Vianney, Finicodé veut dire littéralement en sango. Sango, c'est la langue nationale parlée sur tout le territoire de la République centrafricaine. Alors, convenez que, monsieur Vianney, c'est une chose rare en Afrique. Et Finicodé veut dire tout simplement la nouvelle manière qui s'oppose à Ngbérékodé. Bon, Ngbérékodé, c'est l'ancienne manière. Autrement dit, c'est une nouvelle manière de faire et de pratiquer de la politique qui est en rupture radicale avec l'Ngbérékodé, c'est-à-dire l'ancienne manière. L'ancienne manière. Mais l'opposition entre Finicodé et Ngbérékodé ne se conçoit pas en termes de génération, mais en termes d'état d'esprit. En quelque sorte. Il y a des personnes âgées qui ont un esprit Finicodé, parce qu'elles ont une vision moderne de notre pays, et des jeunes personnes qui sont des Ngbérékodé parce que celles-ci ont une vision rétrograde et aliénante. Pour mieux éclairer nos auditeurs, dites-nous, le projet de loi de division nationale, c'est quoi en fait? Ah là, bon, c'est mon article qui fait suite au récent projet de loi, comme vous le savez, notamment qui porte amnistie sur des infractions liées aux événements que nous avons connus dans le pays. Bon, ce projet de loi que j'ai qualifié de division nationale porte en effet des germes de provocation et de division que certains de nos compatriotes n'hésitent pas à qualifier de loi scélérate. Alors que les centrafricains sont fatigués et en ont marre de multiples conflits qui ont endeuillé le pays, au point de réclamer unanimement un dialogue politique inclusif qui verrait la participation de tous les acteurs politiques de notre pays. Alors, le pouvoir en place s'est appliqué, hélas, à mettre en place un projet de loi unilatéral et discriminatoire dans le seul but de s'auto-amnistier d'abord, malgré sa grande part de responsabilité dans le déclin de notre pays, et en exclure quelques acteurs importants de la vie politique de notre pays. Telle n'était pas la volonté des manifestement des centrafricains. Monsieur Vianney, les centrafricains veulent aujourd'hui un dialogue politique inclusif qui aboutit sur une véritable paix durable et le font savoir. Le processus menant à ce dialogue doit passer nécessairement par une amnistie générale de tous les acteurs et non par une amnistie partielle et parcellaire comme le planifie le général Bozizé pour diviser et opposer indéfiniment nos compatriotes dans le seul but de satisfaire sa sorte de pouvoir. En parcourant votre blog et plusieurs sites et sources, nous avions constaté une méfiance des Centrafricains par rapport à ce projet de loi. Pour certains, c'est inacceptable. Pourquoi cela? En effet, monsieur Vianney, c'est un bon constat que vous faites. Unanimement et en dehors de quelques caciques du pouvoir, même les partisans du régime sont divisés et n'hésitent plus à prendre position contre ce projet. Je vous dire combien les Centrafricains ont trouvé inacceptable ce projet de loi et ne sont pas prêts à suivre Bozizé sur le chemin de la division. Pour la première fois dans notre pays, un projet de loi n'a autant fait l'unanimité contre elle. Les Centrafricains ont compris les manœuvres politiciennes de Bozizé pour ne pas aller au dialogue politique inclusif. Voilà, se demander, mais de quoi le régime de Bozizé a-t-il peur? Pourtant, monsieur Vianney, il s'agit tout simplement de se retrouver entre filles et fils du pays et de se parler parce que rien ne va plus. Nous ne pouvons pas continuer comme ça à nous haïr indéfiniment. C'est le pays qui appartient à nous tous. Alors, une question de Bruno. Bruno, vas-y. Oui. Donc finalement, on ne devrait pas parler d'amnistie parce que si on parle d'amnistie et en plus parcellaire, on continue de construire sur le lit de l'impunité. Et on sait tous que l'impunité conduit toujours à commettre de nouvelles exactions puisqu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de justice. Tout à fait, madame. Mais vous savez... ce qui se passe, si justice il y a, il faudrait construire toute la République centrafricaine en prison. Raison pour laquelle, bon, pour repartir de zéro sur de bonnes bases, ben, malheureusement, bon, ben, il faudrait passer par là. Quel impact, dites-nous, un projet de loi comme celui-là risque d'avoir, si impact il y a, lors des élections qui auront lieu en 2010 en République centrafricaine, dites-nous. Ce qui se passe, c'est que ce projet de loi a eu le mérite de faire l'unanimité contre lui. Par conséquent, a permis pour la première fois depuis fort longtemps aux différentes entités de l'opposition de dénoncer la même chose. Vous savez, aussi bien l'opposition dite armée que l'opposition démocratique, mais également diverses associations ont dénoncé ce stratagème de Bozizé. Donc, des oppositions qui jusque-là faisaient route seules et qui ont plus ou moins de consistance de se reconnaître dans une même lutte, par conséquent, la légitimité. À légitimer une cause désormais commune. Cette reconnaissance, M. Vianney, à travers la lutte contre le même adversaire, on se pose la question, ne risque-t-il pas de se transformer en une sorte d'alliance en 2010? Et puis, je ne serais pas très étonné qu'une démarche puisse se faire dans les prochains jours, à juste raison, par une sorte de front uni contre le régime de Bozizé. Le 3 juillet dernier, Jean-Pierre Bemba a été transféré à La Haye, où il est accusé de crimes commis dans votre pays par la CPI. Pour vous et les Centrafricains en général, que représente cette arrestation? L'arrestation de Jean-Pierre Bemba, sujet sensible, inculpé pour crime, a suscité en Centrafrique pour les uns quelques émois et pour d'autres de la satisfaction. Mais elle a cependant, au-delà des faits, clairement posé le problème de la raison d'être de la Cour pénale internationale. Monsieur Vianney, il faut se poser la question de savoir si la Cour pénale internationale est uniquement un tribunal pour les ressortissants des pays pauvres, les sans-grades, ou un tribunal politique. Ou tout simplement un tribunal pour les vaincus. Alors, mais qu'en est-il alors de ceux qui hier encore étaient à l'origine de la déstabilisation de leurs pays respectifs et qui sont aujourd'hui, sont toujours au pouvoir par la grâce des armes après avoir tout cassé, tout saccagé, ont violé et tué également. Et ce, j'ajouterais, avec la complicité directe, le silence coupable des institutions régionales, internationales ou carrément avec l'aide de certains États dont nous tairons ici le nom. En terminant, parce que nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entrevue, Bemba est-il seul dans cette affaire, d'après vous, qu'attendent les Centrafricains de la justice internationale? Monsieur Vianney, à présent que le processus est amorcé par la Cour pénale internationale, il faudrait que la Cour pénale internationale aille jusqu'au bout de sa logique et que d'une part, les différentes chaînes de responsabilité, j'insiste, les différentes chaînes de responsabilité concernant aussi bien tous ceux qui ont occupé une fonction décisionnelle, quelconque que les auteurs de coups d'État soient établis définitivement pour la manifestation de la vérité. Et d'autre part, au-delà du procès Bemba, c'est aussi le procès des organisations internationales incapables de se prononcer définitivement et fermement sur les auteurs de coups d'État contre des régimes élus démocratiquement. C'est le procès des accords de défense non respectés. C'est le procès des États-Unis d'Amérique et de la France, n'ayant pas peur des mots, qui ont fait pression sur le régime Patassé pour se séparer des troupes libyennes et n'ont pas proposé une alternative pour garantir la survie du régime et la sécurité des biens et des personnes. C'est le procès d'une armée nationale politisée. C'est le procès de toute la classe politique centrafricaine dans son ensemble qui sont à faire et non des individus. Mmh. Maintenant, pour terminer, nous sommes à notre rubrique. C'est vous qui le dites. On va vous poser trois petites questions. On vous a préparé au début. Sûr. Alors, selon vous, quelles sont les causes du retard de l'Afrique ? Une ou deux causes ? Une ou deux causes ? Ben, c'est le fait que jusque-là, l'Afrique n'a pas compris qu'il fallait parler d'une et seule même voix. Alors, la deuxième question, Bruno vous la pose. Selon vous, les intellectuels africains devraient-ils vivre en Afrique ou à l'extérieur du continent ? Je pense que le combat peut se mener de partout, aussi bien en Afrique que à l'extérieur. Un pont doit être mis en place pour que les intellectuels... Il n'y a pas de frontières dans ce domaine-là. D'accord, très bien. Si vous aviez, par exemple, une ou deux solutions pour que l'Afrique s'en sorte, ce serait quoi ? Une ou deux solutions ? Bon, ben, la solution, c'est... Il y a un constat qui se dégage sur l'ensemble, c'est un manque de communication. Un manque de communication. Moi, je crois au fait de laisser les hommes libres. La liberté d'aller et de venir suffirait amplement à redresser beaucoup de choses. Mmh. Alors, donc une autre question comme ça, juste pour vraiment terminer. L'histoire tragique de Bokassa, les Centrafricains et les Africains doivent-ils l'oublier ou la raconter en tant qu'Africain? Je pense que tout ce qui concerne l'Afrique, aussi bien l'histoire de Bokassa, mais au-delà, toute l'histoire doit être racontée à nos enfants. Parce que connaître l'histoire, le passé, pour comprendre le présent et lancer des perspectives sur l'avenir, c'est un chemin qui est inévitable. Comment on peut construire l'avenir sans connaître le passé? Voilà, écoutez, c'est toute l'Afrique, monsieur Franck Zaragba, qui vous remercie de votre contribution et votre participation à l'émission Afrique Plus. Je vous remercie également, monsieur Vianney. J'espère que c'est juste un début de collaboration que nous commençons et nous souhaitons un bon après-midi à Paris, en France. Ben, également à vous-même, monsieur Vianney. Ok, c'est toute l'Afrique qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Baby Philippe l'arrangeur au doigté recherché. Cyril le parrain. Allez, simplement. Ahmed Fanny. Voilà, il est 7h37 à notre monde. Vous écoutez Afrique Plus. Nous sommes en direct à Ottawa. Il est pratiquement 12h37 à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour, monsieur Mohamedou Mfa. Bienvenue à l'émission africaine. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour à toute l'équipe d'Afrique Plus et bonjour à tous les auditeurs africains de Ottawa. Ça nous fait plaisir de vous avoir en direct, monsieur Oumfa. Écoutez, nous allons parler du tour d'horizon de la question de Bakassi pour cette émission. La Cour internationale de justice a accordé la souveraineté de la péninsule de Bakassi au golfe de Guinée, au Cameroun. Ce territoire de plus de 1000 km², riche en matière énergétique, était disputé pratiquement plus de 10 ans par le Nigeria et le Cameroun. C'est une pierre d'échauffement, il faut le rappeler, une pierre d'échauffement entre les deux pays depuis 1913, en fait. Alors, dites-nous, le 14 août 2008, s'est tenue à Calabar la cérémonie de rétrocession de la péninsule de Bakassi au Cameroun. Quelle est la signification et la symbolique de cet événement? Dites-nous. Alors, la cérémonie qui a eu lieu à Calabar le 14 août dernier, c'était une signature de document qui marque le retrait des administrations civiles et des forces armées et de police du Nigeria. Parce qu'il faut savoir qu'à Bakassi, il y avait encore la police nigériane, l'armée nigériane et certaines administrations civiles nigériennes. Donc, la signature du document qui a eu lieu à Calabar certifie que le Nigeria s'engage à retirer ses troupes, que le dernier soldat nigérian quitte la péninsule de Bakassi. Et aussi, il y a des territoires où le drapeau nigérian était encore hissé, et qui signifiait que ce territoire est nigérien. Donc, ce niveau, c'est le drapeau camerounais qui est ici en ce moment précis. Donc, ce qui signifie que l'autorité et la souveraineté camerounaise est établie depuis le 14 août sur la péninsule de Bakassi. Et ceci, c'est dans le cadre de l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a été rendu le 10 octobre 2002 et qui a été suivi d'un accord de Green Tree le 12 juin 2006 entre le Cameroun et le Nigeria. Mmh. On remarque que la cérémonie de rétrocession s'est déroulée à Calabar, en territoire nigérien, plutôt qu'à Bakassi, qui était l'objet de la rétrocession. Qu'est-ce qui explique cette situation, dites-nous? Alors, la cérémonie était effectivement prévue à Jabané, à Bakassi, et c'est l'administration nigériane qui devait assurer la sécurité. Mais pour des raisons d'ordre sécuritaire, le gouvernement nigérien a fait savoir au gouvernement camerounais qu'il était bon que la cérémonie se tienne là-bas, dans l'état du Cross River, en territoire nigérian. Alors, vous devez certainement le savoir, Bakassi a été, ces derniers temps, le théâtre d'attaques répétées par des pirates et des individus non identifiés. Il y a la Nigerian Delta Defense and Security Council qui a réclamé certaines attaques, notamment le 12 novembre 2007, où 21 soldats camerounais ont perdu la vie. Le 9 juin 2008 encore, il y a 6 soldats camerounais qui ont perdu la vie. Et il y a un sous-préfet qui est le représentant légal de l'administration camerounaise qui a été tué dans les attaques. Et le 24 juillet encore, on a eu 2 morts et 4 blessés. Donc le Nigeria n'était pas sûr d'assurer la sécurité en territoire de Bakassi. C'est d'autant plus que le mouvement du Niger Delta Defense and Security Council a promis ce jour-là d'action spectaculaire à Bakassi, à Jabané, où devait se tenir la cérémonie, afin d'empêcher que la cérémonie ne se déroule correctement. Et puis on peut donc dire que le Nigeria a eu certainement raison, parce que ce jour-là, à Jabané, il y a eu 5 morts, c'est-à-dire que les éléments de Niger Delta Defense and Security Council ont opéré ce jour-là. Ils ont tué 5 personnes, même si des sources rapportent que c'était des pêcheurs nigériens. Donc, officiellement, c'était pour des raisons d'ordre sécuritaire. Bakassi a longtemps été l'objet d'un litige frontalier entre donc le Cameroun et le Nigeria. Est-ce que vous pouvez nous faire la genèse de ce conflit et finalement, comment et pourquoi est-on arrivé au conflit de Bakassi? Alors, il faut dire que, très sincèrement, Bakassi n'a jamais cessé d'appartenir au Cameroun. Ceux qui connaissent très bien l'histoire de l'Afrique savent très bien que en 1884, il y a eu la conférence de Berlin en Allemagne. Lors de cette conférence, l'Afrique a été découpée. Donc, sur le plan territorial, il y a eu ce qu'on a appelé des frontières qui ont été très bien établies. Et puis, Bakassi était dans le giron national camerounais. Et ça, les experts qui ont été commis par la partie camerounaise l'ont démontré à la Cour internationale de justice. Mais ce qui se passe, c'est que, pour revenir au 21 décembre 1993, sous le prétexte que les ressortissants nigériens vivant à Bakassi étaient l'objet de mauvais traitements de la part des forces armées camerounaises, l'armée nigériane va envahir Jabané et Diamond Island pour porter secours aux ressortissants nigériens. Mm-hmm. Alors, le 18 février 1984, les réactions des forces armées ne se font pas attendre et puis il y a eu affrontement armé entre les forces camerounaises et les forces nigériennes. Donc, ce qui va faire plusieurs morts. Alors, le président camerounais donc va adresser un message au président Obasanjo, c'est lui qui était président à l'époque, pour résoudre le conflit par la voie diplomatique. Mais jusqu'au 28 février 1994, le président camerounais ne recevra aucune réponse. Alors, il saisit le Conseil de sécurité de l'ONU, et puis le Nigeria accuse de vouloir internationaliser le conflit. Il propose donc une résolution bilatérale entre le Cameroun et le Nigeria. Mais le Cameroun s'entend bien qu'une résolution bilatérale ne va aboutir à rien. Saisit la Cour internationale de justice. Ça, c'est le 29 mars 1994. Alors, le 13 mars 1995, la Cour internationale de justice prend des mesures provisoires pour arrêter les hostilités. Mais le Nigeria remet en cause la compétence de la Cour internationale de justice. Alors, cette remise en cause s'accompagne par un détachement des soldats nigériens sur la péninsule qui entraîne encore des combats et plusieurs morts. Et puis, c'est comme ça que, finalement, il y aura des négociations jusqu'au 10 octobre 2006 où, à la suite de certains arrangements judiciaires entre le Cameroun et le Nigeria, à la suite donc de cela, la Cour internationale de justice rend son verdict et reconnaît la souveraineté camerounaise sur Bakassi. Donc, deux semaines plus tard, le Nigeria rend un communiqué à l'ONU et décide de rejeter le verdict de la Cour internationale de la justice. Il y a donc une commission mixte qui va se constituer entre le Cameroun et le Nigeria. Et finalement, le 12 juin 2006, il y a eu des accords de Green Tree aux États-Unis entre le Cameroun et le Nigeria pour définir les modalités de retrait des soldats nigériens et de transfert d'autorité du Cameroun à Bakassi. C'est donc comme cela qu'on arrive à cette fameuse cérémonie du 14 août dernier. Le cinquième point, vas-y Bruno. Oui, on a relevé finalement donc qu'il y avait plusieurs mécontentements du côté nigérian. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, il y a un moyen pour le Nigeria d'annuler cette reprise de Bakassi par le Cameroun? Bon, d'abord, commençons par parler des mécontentements qu'il y a côté nigérian. Alors, il faut dire que la cérémonie, le processus de rétrocession de Bakassi au Cameroun n'a pas été de tout repos. Le chef de l'état-major du Nigeria a clairement fait savoir que Obasanjo n'a consulté personne pour signer les documents reconnaissant la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Et si certainement vos auditeurs ont suivi l'actualité, il y a deux jours, le chef d'état-major justement a été limogé par le président Oumarou Moussa Yar'Adua. C'est vrai que officiellement on dit qu'il a été mis à la retraite, mais c'est parce qu'il a accusé le président Obasanjo de n'avoir consulté personne. Il y a aussi eu une coalition de 50 partis politiques de l'opposition qui ont contesté cette rétrocession de Bakassi au Cameroun. Et puis, il y a un juge nigérian qui a été saisi par des ressortissants nigériens habitant Bakassi et qui a pris un arrêté pour suspendre le processus de rétrocession, s'inspirant de l'article 12 de la Constitution fédérale du Nigeria qui dispose qu'aucun traité entre la fédération et tout autre pays ne peut être appliqué s'il n'a été d'abord l'objet, s'il n'a été tout d'abord adopté par le Parlement. Alors, pour ce qui est des moyens, le Parlement et le pouvoir judiciaire sont autonomes au Nigeria, c'est quand même une grande démocratie. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre sur eux de contester cette décision. Mais fondamentalement, c'est un arrêté de la Cour internationale de justice. C'est l'instance suprême sur le plan de la juridiction internationale et il ne peut donc y avoir aucun autre recours. Son verdict ne peut faire l'objet d'aucun recours, surtout que le Nigeria est signataire de ce que les juristes appellent la déclaration d'acceptation de juridiction obligatoire. Donc, cette déclaration contraint le Nigeria à accepter la juridiction de la Cour internationale de justice. Et puis, il faut aussi savoir que refuser, d'un point de vue des relations internationales, ce serait se mettre à dos l'ensemble de la communauté internationale parce que il y a eu des États témoins, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui ont accompagné tout le processus. Il y a l'ONU qui a parrainer le processus. Donc, si le Nigeria contestait cette rétrocession aujourd'hui, ce serait se mettre à dos l'ensemble de la communauté internationale, dont les moyens sont très minces. Voilà. Donc, alors, dites-nous, comment se présente Bakassi en ce moment et quelles sont les actions qu'attendent mener les autorités camerounaises pour établir la pleine souveraineté du Cameroun dans cette zone et pratiquement aussi les perspectives d'avenir. Comment peut-on envisager l'avenir de cette zone et la coopération entre le Cameroun et le Nigeria? Alors, en ce moment, il faut savoir que la zone de Bakassi est une zone très enclavée. Bakassi, c'est à peu près 700 km², c'est une zone très enclavée. Il est très difficile d'accéder à Bakassi. Par route, c'est très difficile. Et il faut prendre la pirogue, il faut prendre le bateau, ce n'est pas facile d'y arriver. C'est aussi une zone qui est très coupée des réalités camerounaises. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à Bakassi, plus de 90% de la population est de nationalité nigériane. Mmh. Ça veut dire que véritablement, à Bakassi, on se sent en territoire nigérien. Voyez-vous, les populations suivent beaucoup plus la radio nigériane et les radios internationales comme RFI et BBC à Bakassi, parce que à Bakassi, on ne capte pas la CIA TV qui est la radio camerounaise, on ne capte aucune radio camerounaise, aucune télévision camerounaise, on ne lit pas les journaux camerounais. Donc, c'est enfin une zone où l'activité de pêche qui est la plus pratiquée est en baisse en ce moment parce que les pêcheurs ont peur des nouvelles attaques et voilà donc quelques clichés, comment se présente Bakassi. Voilà. Maintenant, le gouvernement camerounais entend renforcer sa présence dans la zone. Ça dit que d'un point de vue sécuritaire, le gouvernement camerounais entend déployer des forces de l'ordre pour assurer la sécurité dans cette région. Et puis, le gouvernement envisage construire des infrastructures, construire des routes, construire des bureaux administratifs, marquer véritablement sa présence dans cette zone. Et puis, il y a une idée qui circule en ce moment dans la presse camerounaise, c'est constituer des colonies de peuplement. C'est-à-dire que le gouvernement va chercher des Camerounais qui désirent vivre à Bakassi. On les amène massivement pour quand même inverser la tendance. Parce que, comme je vous disais, il y a 90% de la population qui est d'origine nigériane. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Voilà, donc, Pour les perspectives, il faut savoir que, bon, il y a une bonne disposition d'esprit des Camerounais. Le président Paul Biya a fait un discours avant-hier. Il a rassuré les Nigérians qu'ils seront protégés. Il n'y a pas de problème. Il y a des Nigérians qui vivent au Cameroun, il y a des Nigérians, des Camerounais qui vivent au Nigeria. Voilà. Il y a un échange économique important. Le Nigeria, c'est quand même plus de 120 millions d'habitants, donc c'est un important marché. Mm-hmm. C'est un grand voisin. Donc je pense que il y a une bonne disposition d'esprit. Et puis, j'espère simplement que les esprits surchauffés pour le moment vont se souvenir de cette pensée de l'écrivain britannique Samuel Butler qui disait à une juste guerre, préférons une injuste paix. Voilà, donc on s'arrête là. On vous remercie infiniment, Mohamedou Moufa. On vous rappelle que vous êtes coordonnateur de la rédaction au West Cameroun Planet et vous êtes correspondant d'Afrique Plus à Yaoundé au Cameroun. C'est toute l'Afrique à Ottawa qui vous dit vraiment merci de votre collaboration et on reste à l'écoute. Peut-être la semaine prochaine, on aura un autre dossier avec vous. Ok, c'est moi qui vous remercie pour tout le travail que vous faites pour le souvenir, la mémoire de l'Afrique que vous évoquez à Ottawa au Canada et merci encore et certainement la semaine prochaine. Parfait, au revoir. On a revoir à toi maman dans ton petit piment Schoolio. Désormais la guitare c'est toi Papi Paul et ton fils, le roi David, Emmanuel Adebayo, Maman Nikou, Maloué, Noué, Maloué, Francesca Amarène, Moto, Mère, mon corps, Noué, Gagi Céli, le président. Maloué, NKS depuis Paris. Ça fait pas, ça s'occupe de moi. J'apprends ça, Wanda. Si elle le fait, c'est par amour. Voilà, 7h51, Bruno, top chrono. Le temps presse, l'heure tourne. Proverbe à Chantilly, quand la maison brûle, on ne perd pas de temps à pérorer. Ceux qu'on appelle les riches et les autres, dits en développement, ont ouvert ce jeudi au Ghana une nouvelle plaisanterie sur le chapitre de l'environnement. La réunion portait sur le futur accord de lutte contre le changement climatique. Malgré l'urgence, on est constamment en négociation et comme vous le savez tous, les plus gros pollueurs refusent de mettre en œuvre les recommandations. Donc 1600 délégués de 160 pays, d'organisations non gouvernementales et du monde économique sont représentés jusqu'à mercredi donc prochain dans la capitale du Ghana. Le but est de trouver un nouveau protocole pour pallier celui de Tokyo, dont la phase 1 s'achève en 2012, qui à ce jour est resté sans effet notable puisque États-Unis, Canada, Russie se foutent royalement des générations futures. Selon les scientifiques du groupe d'experts mandaté par l'ONU, le GIEC, les pays riches doivent réduire d'au moins 50% voire 80% leurs émissions polluantes d'ici 2050 sur la base des émissions de 90. Merci. Le party le plus multiculturel de la région de la capitale. Tropical Fever. Tropical Fever, c'est tous les samedis à partir de 22h30 au M-Land Club, 90 Boulevard Grébert, à Gatine. DJ Michel-Ange, DJ Ibrahim et DJ Karim ont un tour du monde tropical à vous donner la chair. Tropical Fever, c'est votre ambiance zouk, compas, reggae, hip-hop, salsa, merengue, soca, coupé, décalé, zaiko et rumba. Tropical Fever, tous les samedis à 22h30, M-Land Club, 90 Boulevard Grébert, à Gatine. Voilà, 7h53 minutes à l'autre monde. Voix d'immigrants et réfugiés, accueil ou intégration, le dilemme de l'établissement de nouveaux immigrants. Nous avons monsieur une tête Kabri Miton à notre émission africaine. On revient à Ottawa pour finir l'émission. Écoutez, vous avez écrit cet article qui a été publié dans la revue revue l'établissement international au Canada, et c'est une revue qui est parrainée et soutenue par l'université Carleton, il faut le rappeler, et pour ceux et celles qui voudraient l'avoir en anglais, c'est Integration International Settlement Canada. Voilà, donc dites-nous voir pourquoi est-ce que vous avez voulu partager votre vie d'immigrant comme ça avec tout le monde. En fait, ce n'est pas que je voulais. On m'a demandé de le faire. Mm-hmm. J'ai posé une question sur certains services immigrants. Alors, ils ont commencé à me référer à certaines structures et j'ai répondu seulement que je connais ça. Le monsieur m'a dit, mais si tu connais ça, pourquoi ne demandes-tu pas ce qu'ils ne font pas, ce que je voulais vous demander. Et il m'a dit, alors tu peux nous expliquer un peu. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Dis-nous ce que tu connais sur l'immigration. Sur l'intégration des immigrants. C'est ce que j'ai fait. Et dans cet article, en fait, vous venez sur les thèmes comme le droit et la liberté culturelle, l'écueil de la consommation, les antivaleurs. Vous revenez sur les faux conflits de ménage et les fausses violences faites aux femmes immigrantes. Mais allez-y. Bon, en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que j'ai écrit ça en partant de ma propre expérience. Mm-hmm. Parce que quand j'ai parlé avec monsieur, il m'a dit, mais écrivez, peut-être ça va aider les autres à comprendre vraiment c'est quoi les problèmes de processus d'intégration. C'est vrai que j'ai écrit. Moi, j'ai donné ma propre expérience. Et ma propre expérience n'est pas glorieuse. Et moi, j'ai appris que l'expérience sert de quelque chose. Et j'ai compris aussi qu'il manquait quelque chose. Parce qu'avec en lisant, en parcourant l'article, on remarque que votre parcours est jalonné de beaucoup de vous révolutionnez un peu le service de d'accueil ici. Il y avait des services qui n'existaient pas et ce qui s'est passé par rapport à vous a permis à d'autres services au système d'accueil et d'intégration au Canada de mieux s'armer, de mieux se préparer par rapport aux nouveaux immigrants en fait qui arrivent dans le pays. En fait, ce que je peux dire, c'est tout cela réside dans ce qu'on appelle la valeur de quelque chose. Mm-hmm. C'est-à-dire, la valeur de quelque chose pour moi, c'est les gestes qu'on veut poser pour quelqu'un, on se pose d'abord la question, quel est l'impact que ça par rapport aux autres, pas par rapport à moi. C'est-à-dire, moi, je l'ai déjà vécu. Mm-hmm. Donc, si je veux poser un geste, il faut que les autres ne vivent pas ce que j'ai vécu. C'est pour cela que je dis ça. Parce que ce que moi j'ai fait, ce que j'ai vécu, je posais le problème. Mais j'ai vécu ça. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Mais c'est à partir de ça qu'on va commencer. Mais comment on peut le faire? J'ai donné quelques suggestions. Je crois que si vous lisez l'article, et c'est ça qui a déclenché tout le processus. Je ne dis pas que j'ai créé, mais j'ai donné des suggestions par rapport à ce que j'ai vécu. Et les gens ont trouvé qu'il y avait quelque chose. Et entre autres, il y a des maisons de réception, une maison assez... En résumé, voilà ce que je veux dire. Vous savez, beaucoup de gens me disent, mais toi, tu as fait ça, mais qu'est-ce que tu as? Et moi, il m'a répondu, j'ai posé la question à quelqu'un. Quand il est arrivé ici, où est-ce que tu es resté? Il m'a dit, à la maison de réception. Tu as posé la question pour qu'on dise comment c'est arrivé? Je dis, non, c'est M. Chong qui est là-bas. Il nous demande à Chong comment on l'a engagé là-bas. Puis je dis, c'est la maison-là. J'aurais pu dire, c'est moi qui l'ai faite. Mais ce n'est pas moi. Mais c'est moi qui l'ai suggéré pour la faire. Et c'est moi qui y ai résidé la première fois. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste, on parle de la maison Thérèse Dallaire, en fait. Oui, c'est la maison Thérèse Dallaire. Ça fait partie de ce processus-là. Les centres catholiques pour les migrants, ça ne s'appelle pas comme ça aujourd'hui. Ça s'appelait comme ça. Ça se trouve sur Algar. Il y a beaucoup de services là-bas. Cette bâtisse-là est née de ce programme-là. C'est lui que j'explique là. La seule question est pourquoi vous n'avez pas un endroit où on reçoit tout le monde et on leur donne des services? Donc, pour ceux qui vont dans le centre catholique pour immigrants, j'y suis passé moi-même, ces gens-là, ils devaient se dire aujourd'hui que ce n'était pas ça, en fait. C'était pas ça il y a quelques années. Mais c'est... vous savez, une anecdote. Je suis passé au centre catholique pour immigrants, j'ai trouvé un gars d'accord, ça s'appelle, c'est Jean-Baptiste, non, c'est Jean-Baptiste, il travaillait quelque part là. Parce qu'il travaillait au centre. Et puis lui, quand il m'a vu, il m'a embrassé. Et puis tout le monde dit, mais tu connais le message? Il dit, mais oui, je connais comment? Et il a répondu, mais c'est le gars qui a fait ça. Il a fait quoi? Il dit, mais le centre. Il dit, mais comment ça? Et moi, j'ai posé la question, est-ce que je vais parler avec M. Nicholson? Il dit, Nicholson, tu le connais? Il dit, Carl. Alors tout le monde s'est étonné. Alors, bref, c'est pour dire que, oui, la chose existe, quelque chose, et j'y ai été pour beaucoup. Pas parce que je l'ai fait, mais c'est parce que j'ai soulevé le problème pour qu'on trouve une solution globale. Pour d'autres personnes, pas pour moi. Et c'est ça. La meilleure chose qu'il faut tirer de cet article-là, c'est que si on veut révolutionner, par exemple, nous, comme immigrants, c'est-à-dire, si on fonctionne, il ne faut pas fonctionner en termes de qu'est-ce que moi je veux avoir. On fonctionne en termes de qu'est-ce que je donne pour que ce qui m'est arrivé n'arrive pas aux autres. Mmh. Et puis vous allez jusqu'à questionner les droits et libertés, sont-ils ceux issus de la pratique reconnue et acceptée dans les multitudes de cultures des immigrants et, ou celles reconnues par le Canada? Oui, vous savez. Là, j'essaie de mettre dans le contexte canadien. Nous arrivons ici, nous sommes devenus des Canadiens, quelque chose comme ça, et on parle de droit et de liberté. Alors moi, je pose la question, moi j'ai ma petite culture chez moi. Est-ce que j'ai fait la promotion de ma petite culture ici ou comment ça s'est fait? Donc, c'est cette question-là profonde que j'essaie de poser, moi, en tant que minoritaire. C'est-à-dire, quelles sont, est-ce que moi, mes valeurs, je peux... Voilà, et vous parlez des anti-valeurs, l'écueil de la consommation, vous parlez de les faux conflits et fausses violences faites aux femmes. Ok, l'écueil de la consommation, c'est que tout le monde, vous savez les cartes de crédit, vous savez les prêts investisseurs et tout ça, toutes ces choses-là, c'est alléchant, Mais nous venons dans un environnement où ces choses-là n'ont pas existé chez nous. Et que la culture de chez nous, c'est lui qui a, il est grand. C'est lui qui n'a pas, on les traite de n'importe quoi. Alors, quand on arrive ici, on a cette tendance-là de vouloir accumuler comme chez nous. Et c'est ça que je dis, l'accueil de la consommation. Et à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça nous ruine. Et il faut avoir le courage de l'affronter. C'est tout, si vous travaillez dans cet environnement, nous travaillons pour l'intégration. Donc, ce sont les choses que moi je trouve les valeurs réelles qu'il faut donner aux gens. Les cartes de crédit là, pourquoi vous les avez? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Les prêts investis là, est-ce que c'est comme ça qu'il faut les prendre? Donc, c'est là les discours qu'il faut donner aux immigrants. C'est pas leur dire comment faire un résumé. On n'a jamais pris un travail en envoyant un résumé. On a un travail en ayant des connaissances dans l'environnement. Donc, c'est pas après quelqu'un a fait le résumé, c'est pas l'accompagnement là, c'est pas ça. Ça n'a rien à faire avec l'intégration. L'intégration, c'est la vie réelle. Comment elle se fait? Et les éléments réels de la vie. Ici, vous savez que le crédit, c'est très, très important. Et quand vous regardez dans tous les services là, dans quel sens, il n'y a pas ce genre d'activité. Or, c'est ça la base même. Et beaucoup d'immigrants ici, ils calent parce qu'ils bougent d'abord de parler les crédits. Et ensuite, ils se mettent dans des dépenses folles. Et ensuite, quand je dis là, les conflits, faux conflits. Quand je dis le faux conflit, c'est que si vous ne faites pas attention, vous voulez vous protéger comme ethnie pour dire que non, il ne faut pas dire ça. C'est quand on fait des statistiques. On trouve que dans telle communauté, il y a telle chose, alors que ce n'est pas vrai. Et on va prendre des décisions ou des analyses qui faussent la réalité. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire, par exemple, oh, les Noirs, là, vous savez, les familles, là, ne vivent pas bien. Alors que c'est faux. Et là, on va créer des choses et on vous donne une étiquette qui n'est pas la vraie. Et c'est ça l'erreur des leaders. Voilà. C'est ça le rôle de leader. Allez, on arrive à la fin de l'émission. Afrique Plus, c'est fini. Bientôt, ici l'Afrique. Merci, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Monsieur Ted, c'est toute l'Afrique qui vous remercie. Si vous avez aimé aller le dire aux autres, revenez le dire et on va s'améliorer. On vous retrouve la semaine prochaine. Voilà. D'ailleurs, vous savez, les bandits, ils ont de grandes maisons. Ils ont tout. Mais est-ce que ça fait des grandes personnes? Non. Thank you. bon lipon d'un homme. À mon avis, je colle au bas.